du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, nous ne sommes pas conscients de ce que signifie cette parole. Ce jour où il y aura une chaleur torride, où les gens attendront avec impatience le jugement, car ils ne supportent plus la chaleur qui leur tombe dessus, il y aura des gens qui seront privilégiés, qui seront les hôtes du clément, qui seront à l'ombre de son trône, qui eux ne connaîtront pas cette chaleur. Et parmi ces gens-là, et invoquons Allah Azza wa Jal qui nous fasse partie de ces gens-là. Dites Amin. Ça va, c'est le meilleur que le premier. Il y a rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Un homme dont son cœur est attaché affectivement à la mosquée. C'est-à-dire que le meilleur moment pour lui, c'est de se rendre à la mosquée. C'est ça le meilleur moment. Et le fait de s'exercer à cela, c'est une éducation que nous avons besoin. Et il y a plus que cela. Quand je pense à la prière de l'aube, Al-Fajr, qui est l'une des plus difficiles des prières, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'il y a deux prières qui sont les plus pénibles pour les hypocrites et que Dieu nous en préserve. C'est la prière de l'aube et la prière du soir. La prière de l'aube, parce qu'il faut se lever, il faut se réveiller. Et encore plus quand l'hiver va arriver. Vous avez compris, je crois. Quand l'hiver approche, eh ben c'est bon. Là, on sort les dredons, on se met bien au chaud, on met le réveil et on est parti. Et ce qui arrive souvent, malheureusement, c'est que lorsque ce réveil se met à sonner, à retentir, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a les courageux qui retroussent leurs manches et qui sortent de leur couverture pour aller faire leurs ablutions et prier, malgré qu'il fait froid. Et il y a ceux qui préfèrent faire des prolongations, comme beaucoup parmi nous. Appelons un chat un chat. Qui préfère faire des prolongations? Alors qu'est-ce qu'ils font? Satan, qu'est-ce qu'il vient? C'est à ce moment-là qu'il va Satan. C'est là qu'il se transforme en bon conseiller. Et c'est là qu'il te dit, écoute, il y a encore du temps, attends un peu. 5 minutes. Ah, tu dors 5 minutes, c'est comme si... C'est, regardez le conseil qu'il donne. Tu dors 5 minutes de plus, c'est comme si tu as dormi 1 heure. Vas-y, allonge-toi, pas de problème. Il n'y a pas le feu. Puis regarde, la nuit, elle est longue. Et c'est là que le frère mesquine ou la sœur dort. Et lorsque il ou elle ouvre ses yeux, qu'est-ce qu'il voit ou qu'est-ce qu'elle voit? Le soleil s'est déjà levé. Et bien là, je peux vous garantir que Satan est en train de s'amuser. Alors là, il a un fou rire terrible. Pourquoi? Parce qu'il nous a eus. Et alors, on raconte qu'il y a un pieux qui un jour a vu ou entendu la voix d'un Satan en rêve ou de Satan en rêve. Et en fait, celui-ci lui disait « Réveille-toi pour la prière de l'Asr ». Et effectivement, la prière de l'Asr était bientôt. Alors il était étonné. Comment Satan peut le conseiller de se réveiller pour la prière de l'Asr? Au contraire, il doit l'enfoncer encore plus. Regardez comment Satan jette le filet très loin. Il a le temps, il est patient lui, il n'est pas comme nous. Il a tout son temps. S'il ne t'attrape pas sur une chose, il t'attrapera sur autre chose. Et c'est là que il lui a dit, sais-tu pourquoi je t'ai réveillé? Parce que si tu ne te réveilles pas et que tu rates la prière de l'Asr, tu vas regretter, tu auras à repentir et tu vas te ménager afin d'éviter de recommencer la même erreur. Mais si je t'encourage à prier l'Asr, je suis certain que tu vas rater autre chose. Et c'est là que je t'aurai. Et bien, c'est un peu ce qui nous arrive à nous aujourd'hui. La prière de l'Fajr, c'est la plus dure, la plus difficile. Et maintenant, ils ont même inventé des réveils sous forme de ballon. Parce qu'il y a des gens qui achètent des réveils toutes les semaines. Parce qu'ils les cassent. C'est des nerveux. Donc ils prennent le réveil, le jettent, parce qu'il ne veut pas s'éteindre, et le cassent. Alors maintenant, ils ont sorti des réveils sous forme de ballon. Tu peux le jeter contre le mur ou contre une armoire, hein, dès que tu le jettes contre ton épouse ou ton époux. Tu peux le jeter, il ne se casse pas. C'est un ballon. Il rebondit, demain tu peux encore l'utiliser. Regardez jusqu'où on est arrivé. Et l'autre prière, c'est la prière du soir, l'Isha. Pourquoi? Parce que la personne a sommeil. Elle a envie d'aller dormir, elle est fatiguée. Mais le fait qu'elle se bat contre elle-même pour pouvoir prier à l'heure de l'Isha, eh bien, ça c'est une manière de s'affranchir de cette caractéristique qui est celle des hypocrites, qui eux, lorsqu'ils viennent à la prière, ils viennent avec paresse. Ils viennent avec paresse et ostentation. Ils n'ont pas envie de prier, mais pour montrer aux autres qu'ils prient, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils traînent le pas et ils y vont. Alors, regardez cette très belle parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette très belle annonce, Bushra Tayyiba, qu'il nous réserve, à laquelle nous interpelle. Il dit, concernant la prière de l'aube, il dit Abshiru bin Nour et Tam. Abshiru li mesha'ina fit dhulmat ila al masajid bin Nour et Tam yawm al qiyamah. Annoncez la bonne nouvelle à ceux et celles qui marchent dans le sombre, dans les ténèbres, la nuit autrement dit, et qui s'orientent vers la mosquée, annoncez-leur qu'ils auront droit à la lumière la plus complète le jour de la résurrection. Alors invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne cette lumière. Allahumma amin. Ça, c'est bien ça. On fait des progrès, hein, c'est bien. Mon comportement, que ferai-je demain par rapport à mon comportement? Qu'est-ce qui a changé durant toute cette période? Suis-je meilleur qu'auparavant? Ou bien suis-je toujours en train de donner libre cours aux agissements de ma langue? Et le plus grand fléau qui nous ravage aujourd'hui, c'est la médisance. Al-riba. C'est l'agressivité. C'est aussi l'insolence de certains d'entre nous. Alors, pose-toi la question demain. Est-ce que tu ressens ou ressens-tu qu'effectivement cette période bénie durant laquelle tu as vécu, elle t'a adouci, elle t'a rendu plus doux, elle t'a rendu plus courtois, plus respectueux, plus humble dans ta relation avec autrui, avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes connaissances, tes amis, etc. Sens-tu que tu as changé? Eh bien, si tu sens, si nous sentons que nous avons changé, que nous nous sommes améliorés, eh bien, comme le disent les gens de science, c'est un bon signe. C'est l'un des signes indicateurs que notre jeûne a été accepté. Mais par contre, si tu es toujours le même, sauf si tu as fait une pause, tu étais en stand-by durant Ramadan, tu t'es calmé, tu ne faisais plus rien, dès que Ramadan sort, tu redonnes libre cours à tes mêmes comportements, tes mêmes vices, tes mêmes habitudes que tu avais auparavant, avant cette période. Alors, je m'adresse à moi-même, ensuite je m'adresse à cette noble assemblée présente ici. Qu'en est-il de l'éducation? Qu'en est-il du changement de notre comportement? Qu'en est-il de la refonte de notre personnalité? Qu'est-ce qu'on a fait? Quel effort a été consenti? As-tu appris à t'exercer, à surveiller ta langue, à ne pas dire n'importe quoi? Alors que nous avons toutes et tous entendu à maintes reprises cette tradition prophétique qui est devenue, ou qui est censée devenir, ou du moins, je l'espère, qui a dû être une devise pour chacun d'entre nous, afin d'endiguer les tentations de notre langue, de maîtriser nos tentations, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle et nous interpelle en disant « Man lam yada qawla zour wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu min ajli » Celui qui ne délaisse pas les propos futiles et les agissements qui vont dans ce sens, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il se prive de son jeûne, ou plutôt qu'il se prive de sa nourriture, de sa boisson, pour lui, donc pour Allah Azza wa Jal. Donc s'il n'y a pas ce travail en parallèle de pouvoir maîtriser son comportement, d'être beaucoup plus sérieux dans ce que nous faisons, de faire en sorte que tu sens que tu as changé, tu sens qu'il y a une amélioration sur toi-même, au niveau de ta personne, au niveau du côté relationnel ou de tes relations avec ceux et celles qui sont autour de toi. Eh bien, si tu remarques qu'il y a un changement, eh bien, sache qu'alhamdoulilah, tu es sur la bonne voie. Et Anas ibn Malik, il nous donne d'ailleurs une description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est censé nous servir de modèle. Pas seulement en lisant dans les livres ou dans des recueils de hadith, mais aussi pour traduire dans les actes cet exemple et ce modèle. Ainsi dit-il, Anas, et vous savez qu'Anas s'est mis au service de la demeure prophétique pendant 10 ans à Médine. Qu'est-ce qu'il dit, Anas? Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait le meilleur des comportements. Et juste avant, il disait, je n'ai jamais touché une main aussi douce que la soie, aussi douce que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai rendu service pendant 10 ans, dit-il. Il ne m'a jamais dit ouf, qui est le signe de la lassitude et de l'exaspération. Il ne m'a jamais dit ouf. Il ne m'a jamais dit pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi ne l'as-tu pas faite? Et il ne m'a jamais dit non plus pour une chose que je l'ai faite ou que j'ai faite, pourquoi l'as-tu faite? Regardez. Alors, pourquoi sommes-nous durs envers les autres? Pourquoi sommes-nous exigeants envers autrui? Et on ne l'est pas envers nous-mêmes. Il y a une chose qu'on remarque chez nous, c'est que lorsque quelqu'un manque à ses devoirs envers toi, eh bien tu demandes des comptes. Tu ne pardonnes pas facilement. Tu as peut-être de la rancune. Mais par contre, si c'est toi qui manques à tes devoirs, tu veux absolument que les autres soient indulgents, et plus que cela, tu te prêtes des excuses à toi-même. Tu cherches tous les prétextes possibles pour t'excuser. alors que normalement tu es censé faire le contraire. Tu es censé être plus exigeant envers toi-même et moins envers les autres. Autrement dit, celui qui a manqué, qui a failli un devoir à ton égard, c'est pas grave, on passe. Mais par contre, si toi, tu n'as pas respecté un engagement,